Wow, wow. Tani maganaki. Mama wanted the beat. Oh, yeah. Look at me, baby, look into my eyes. What do you see, baby, look into my eyes. I need you, can't you see, can't you feel that I want you. Look at me, baby, look into my eyes. Look at me, baby, what do you see. I need you, baby, can't you see. I need you, need your loving all the time. I need your body by my side through the night. Cause I cannot sleep without you. I cannot eat without you. I don't feel breathe without you. I need your loving all the time. Je sais je ne peux pas sans moi. Je ne suis plus le même sans toi. Je sais que tu peux pas sans moi. Mais je te veux une dernière fois. J'aimerais te fuir ou me mentir à moi-même. J'aimerais te dire que ça n'en vaut plus la peine. En amour, j'ai déjà donné, plus besoin de parler. Tu veux du love, tu veux me voir une dernière fois. Qu'on se pardonne, mais sur nous j'ai mis une croix. Ma chérie, je suis fatigué de t'aimer, c'est démodé. Pourtant je suis ma woman, woman. Ma guérison, mais dis-moi, malade. Pourtant t'étais ma woman. Cause I cannot sleep without you. I cannot eat without you. I don't feel breathe without you. I need your love all the time. Je sais je ne peux pas sans moi. Je ne suis plus le même sans toi. Je sais que tu peux pas sans moi. Mais je te veux une dernière fois. Can I sleep without you? I cannot live without you. I cannot sleep without you. I cannot live without you. I need your love all the time. Negos Kinshasa.